Il se passe. Une fois dépollués et déchiquetés, les réfrigérateurs ressemblent à... C'est la ferraille. C'est les 50% qui composent le réfrigérateur. Il se passe.